la faire passer dans démolir l'enfant parce que ton ego ne sera pas impliqué dedans. C'est pas bon de se fâcher contre un enfant. Pas bon. Mais de donner un choc à un enfant, c'est créatif. La science des chocs vibratoires, Gurdjieff en parlait dans ses études. Je pense que c'est bon. Le choc. Il y a un moment de donner un choc à un être. Ni avant, ni après. Il y a un moment. La vibration passe, zap! T'apprennes là. Pas avant, après. T'apprends avant, c'est l'émotionnel. T'apprends après, c'est l'émotionnel. La vibration est jamais... Le choc vibratoire est jamais sous le contrôle de l'ego. Fait que là, l'enfant bénéficie de cette vibration-là qu'il peut pas avoir en relation avec eux autres, mais qu'il peut avoir en relation avec toi. Parce que t'es un canal à ce moment-là. Mais comme l'enfant est trop jeune pour être un canal, à ce moment-là, c'est toi qui deviens un canal. Bernard, quand on est c'est plus difficile. Parce qu'il faut toujours les défauts de nos qualités. Là. En étant plus sensible à la souffrance, c'est plus la difficulté à appliquer ça. Oui. C'est toi qui l'as mis au monde, fait que c'est comme si, en attaquant son ego à lui, là, en choc au niveau de l'ego, c'est comme si tu attaquais ton ego à lui. Plus il est jeune, mm-hmm. plus c'est difficile, mm-hmm. tu sais. Mm-hmm. C'est ça que les femmes. C'est très juste. Mais plus vous conscientisez, plus vous devenez mental. Oui, oui. Plus ça. Donc, plus vous êtes capable. Mais c'est un des plus grands tests. Ouais. Pour une femme, pour une main, c'est un test. C'est un grand test. Ouais. Ouais. C'est un test. C'est un test de mentalité, de centricité. De... Comme l'homme va avoir un test en relation avec son patron, la femme va avoir un test qui va en relation avec son enfant. Parce que nos enfants sont bien importants. Ils sont importants, nous. Puis on réalise même pas aujourd'hui combien sont importants. Plus tard, on va les réaliser. Parce qu'eux autres aussi vont être dans l'énergie. Comme là, tu parles avec ton mari, mais plus tard, tu vas parler avec ton mari, ton enfant, ça fait 3, ça fait 4. Il y a une chose, quand j'avais des phases de crise, le petit, là, souvent, je l'écoutais, je lui donne l'information. Ça arrivait souvent, là, que... Parce que là, disons, moi, j'étais plus capable d'avoir un bon pilote, un bon pilotage, là, parce que j'étais beaucoup dans mes idées. Le petit, par les réflexions qu'il faisait, il m'amortait sa drink. Souvent, quand je fais le feeling, là, disons, un contrôle quelconque, là, dans la tête, j'en peux plus, mais c'est toujours le petit qui me donne les mots, les idées qu'il faut. Il faudrait qu'il change de canal complètement. Une fois, là, j'étais complètement scellé, là, je suis là, puis il m'a demandé, qu'est-ce qu'il y a, papa, qui va pas? Ben, je dis, papa, il vaut une tension parce qu'il y a des valeurs. Il dit, je te présente pas pour des valeurs. Il m'a dit ça, il y avait 2 ans. Là, je me regardais, qu'est-ce qu'il y a de petit poule? C'est pour ça qu'il était parti voir ses canines. Mais là, il parlait pas, là, c'était pas un appel, c'était d'autres choses. Ça arrive souvent. Ah, j'écoute le petit, pareil, comme je peux t'écouter, ça fait drôle à dire, là, mais... C'est objectif. Que si on écoute un enfant comme ça... objectif. Si on écoute un enfant comme ça, là, il y a quelque chose d'autre qui se passe, qui doit être un des mots. Mais ça dépend de l'enfant. Les enfants sont pas tous pareils. Tu es un enfant que tu peux écouter, il y a des parents qui ont des enfants qui ne peuvent pas les écouter. Il y a des fois qui peuvent servir des enfants aussi pour attirer des points qui la touchent. Ouais. Ah oui, ils vont servir n'importe quoi. Mais c'est à vous autres de comprendre vos enfants, c'est à vous autres de savoir si vos enfants l'ont en vibration, s'il y a quelque chose qui passe par vos enfants. Il y a des enfants par lesquels il se passe beaucoup d'informations. Puis il y a des enfants par lesquels il ne passe pas rien. Ça dépend des enfants. Il y a des enfants qui sont faciles à élever, il y en a d'autres qui sont difficiles à élever. Moi, ma fille, c'est pas un cadeau. Elle est bien fine, c'est ça, mais c'est pas un cadeau. Mais le travail qui était fait sur ses corps pendant 7 ans, aujourd'hui, ça fait qu'elle est un cadeau là. Mais c'est tout un caractère, parce qu'elle a une maudite tête de cochon. Puis sa tête de cochon, mais c'est une origine là. Qui passe par l'ego, là. Puis tu peux pas détruire ta force. Faut que tu canalises. Sans ça, tu détruis l'ego de l'enfant. Faut pas le détruire, l'ego de l'enfant. Faut le renforcer, le renforcer, le renforcer. Mais. Droite. Fait que moi, je travaille toujours à construire et à développer son ego. Bien clair, qu'il soit clair, l'ego, qu'il soit clair. Pas embrouillé. Je prends l'affaire de colporter, c'est un exemple. Ça fait partie de l'ego, ça. Faut que je l'enlève. Bien qu'un moment où c'est temps de donner un choc, ça, aujourd'hui, c'était le temps. Même si ça faisait 2-3 ans qu'elle faisait ça, là, aujourd'hui, elle l'a eu, pas. Elle ne colportera plus. Mais il faut qu'elle comprenne. Mais il n'y a pas un enfant pareil. Moi, j'en ai une toffe. Parce qu'elle est bourrée de qualité. T'as toujours les qualités de défaut. Les enfants ont les qualités de leurs défauts. Fait que c'est pas un cadeau. Elle. Oui. Mais moi, j'ai donné des chocs vibratoires depuis qu'elle est venue au monde. Je pense qu'elle a 3 semaines, son premier choc vibratoire. J'ai crissé une claque sur les fesses. La femme m'a regardé avec des grands yeux de main. Qu'est-ce que tu veux que ça soit fait? Il a fait une des miennes, moi. Puis elle se rappelle, une de la dernière qu'elle se rappelle, elle avait 5 ans. C'est la seule qu'elle se rappelle à 5 ans. Ça a été sa grande, la dernière grande fessée. Aujourd'hui, c'est une jolie, je parle avec elle. Je parle fort, je parle. Mais les fessées, c'est les fesses. La dernière, ça a été à 5 ans. Pis c'est la seule qu'elle se rappelle, les autres, quand elle a tout, elle se rappelle tout ça. Ben, ce qui arrive, c'est qu'elle est tellement dans son esprit aujourd'hui qu'elle a un jugement, elle a un jugement d'adulte. Elle va pas au magasin acheter des robes, qu'elle n'a pas assez qu'elle robe, celle-là, les couleurs, tout. Elle aussi, c'est une autre même chose, elle fait des réflexions. Mais des fois, elle retombe dans ça. Faut que t'en sortes peut-être ça. Parce qu'on parle, on a des illusions. On parle toujours de la pureté des enfants, puis ça va être des enfants. C'est des enfants. Un enfant, c'est inconscient, un enfant. C'est totalement inconscient, un enfant. Il faut que ça devienne conscient. Mais comme ils sont jeunes et qu'ils n'ont pas été conditionnés au niveau du mental, ils sont des canaux ouverts. Ouais. Nous autres, notre travail dans l'éducation des enfants, c'est de maintenir ouvert le canal. Puis d'ajuster l'ego pour que rendu à 15-16 ans, un enfant soit dans son esprit. Une fois qu'il est rendu dans son esprit, il n'y a plus de problème, cet enfant-là, comme nous autres, on a eu, de se réajuster, de se trouver, puis de se plugger. Ils sont plugués depuis longtemps, je vois. Fait que là, t'as des enfants dans cet âge-là que tu peux parler à quelque chose. Sur cette longueur d'onde, nos enfants vont bénéficier de notre expérience. Nous autres, on est obligés de vivre la secousse, la grande secousse. Nos grands doutes intérieurs, tout notre petit changement intérieur. Nos enfants n'ont pas ça. Il y a la vie, là, telle qu'on la connaît. Nous autres, nous sommes un enfant, donc c'est le bord de. Je ne parle pas d'émotion sur un enfant, pas plus. Bon, ok, je suis content de te demander. Il dit que quand un enfant, tu lui donnes tout ce que tu peux donner quand il est vibratoirement en harmonie. Quand un enfant est vibratoirement en harmonie, là, quand il est dans son esprit d'enfant, dans son esprit. C'est quand tu tombes dans le caractère de son ego qu'il faut que tu y enlèves. Si ton enfant est bien gentil, puis il est bien avenant, tu sais qu'il est dans. Tu peux y donner à la lune. Tu ne le gâteras jamais. Il dit, il peut de gâter vos enfants. L'abondance, il devrait en avoir sa tête. Il n'y a pas de raison qu'un enfant n'ait pas son petit bisette, puis qu'un enfant n'ait pas son lit, puis qu'il n'y a pas ça. C'est quand que les enfants sont de travers que là, vous devez couper à la racine ce travail-là pour qu'il retombe dans leur vibration puis vous continuez à les nourrir. Fait que, qu'est-ce qui arrive? Au cours des années, l'enfant, il manque de rien. Il a tout eu. Il a tout eu, l'enfant. Puis il n'y a pas de raison que l'enfant ait tout parce qu'il dit qu'il a tout sa terre. Mais quand vous donnez quelque chose à l'enfant, il faut que ça soit toujours en harmonie vibratoire. Si c'est pas en harmonie vibratoire, il faut que tu le restes. Moi, ils me l'ont dit quand j'ai eu la petite. Ils ont dit, la petite, elle va tout avoir. Ce qu'elle a de besoin. Ça, ça veut dire que quand tu es en harmonie vibratoire, si elle va au magasin, elle dit, papa, voudrais-tu avoir, je sais pas moi, un crayon puis du papier, parce qu'elle est tout dans le papier puis le crayon. Voyons en acheter un. Mais si elle me dit, papa, j'aimerais ça d'avoir un autre, c'est la même vibration, là. Là, c'est l'ego, là. Et puis dans son esprit, là. Et dans son esprit, quand on me demandait, papa, j'aimerais-tu, je pourrais-tu en avoir un crayon et un papier? Là, c'est dans son esprit. Ou ça, quand elle dit, papa, je pourrais-tu en avoir deux? Et dans son égo. Mm-hmm. C'est ça, là. Mm-hmm. Quand vos enfants, vous avez des relations avec vos enfants, checkez toujours s'ils sont dans leur esprit ou s'ils sont dans leur égo. Puis s'ils sont dans leur égo, là, tu le coupes à la racine. Sans ça, l'ego va se développer, puis ils vont se développer. Première chose, tu vas savoir, ils vont te rembarquer sur le dos. Puis c'est bien important, pour ceux qui ont des enfants. Puis c'est bien subtil. La différence entre l'ego de l'enfant et l'esprit de l'enfant. Si c'est l'esprit de l'enfant, l'enfant, il est parfait. Il y a des fois que ça va loin, ça, tu peux pas lui donner matériellement ce qu'ils ont besoin à ce moment-là. Si ils sont dans l'esprit, ils vont toujours comprendre. Si ils sont dans l'ego, ils comprendront pas. OK. Et aussi, si ça t'étouffe, tu prends toi comme de la romaine. Si à un moment donné, l'enfant fait des gestes ou des attitudes qui te nuisent, ça t'étouffe, ça te fatigue, là. Tu sais, ça te prend ton énergie ou quelque chose. C'est dans l'ego. C'est pas en harmonie. C'est encore dans l'ego. Tu sais, parce que finalement, c'est juste toi comme dans tes natures. Oui, puis il ne faut jamais que tu doutes de ta température. Moi, je trouve que c'est la... Si l'enfant est dans son esprit, il va être en harmonie avec toi. C'est ça. Si il est dans ton ego, il ne sera pas en harmonie avec toi. Bah, c'est là que le choc porte. Ça crée des tensions, là. Il y a des tensions. C'est ça. Faut toujours juger s'il est dans son esprit ou s'il est dans son ego. Si dans son esprit, ça nous fait plaisir, on est bien avec l'enfant, il dit. Si dans son ego, on est un petit malaise, ça nous fatigue, ça nous met ses nerfs. Oui. Bon, il y a une chose, c'est que l'esprit de l'enfant peut aller travailler avec l'ego aussi. Il peut sentir notre ego. Tu sais, disons, exemple, pour bon, tu payes un certain luxe, puis le petit te demande un luxe lui-même, puis là, tu dis non, mais toi, là, tu l'avais un prix. Il a raison. C'est ça. C'est ça. Écoute aussi dans le même temps. C'est ça. Faut que tu lui donnes son luxe. C'est ça. Mais l'enfant, c'est un petit adulte. C'est ça. Puis un enfant a le droit d'avoir ses choses. Comme toi, tu vas au magasin, tu t'achètes ta pipe. Lui, si au magasin, il a le droit à avoir son équivalent. Puis c'est toi qui payes pour. Ça, c'est subtil, ça aussi. Ce qui arrive dans les familles, comme dans l'ancien temps, dans nos familles, t'allais dans un magasin, il n'y a pas beaucoup d'argent à faire. Il n'y a pas d'abondance. Fait que qu'est-ce qu'il y a là? Tu avais toujours des enfants qui se sentaient insécurisés. L'enfant, il allait à l'école, son chum, il avait une belle paire de bottines, puis lui, il avait des bottines de son petit frère. Ouais. L'autre, il avait un beau pantalon. L'autre, il a le pantalon de son petit frère avec un trou dedans. C'est le même. Il dit qu'on ne doit pas penser que des enfants, ce sont des enfants, ce sont de petits adultes. Si nous autres, on a le droit de nous acheter une chose, tu vas au magasin. Moi, je m'en vais au magasin avec ma femme chez Steinberg, pas chez Steinberg, c'est trop tôt. On achète. Tu sors du magasin avec un paquet de patentes de même. Tu penses que tu vas sortir du magasin bien vite? Il va t'accrocher quelque part quelque chose dans l'église, je sais pas, dans la gomme. Je sais pas, oui. Il a le droit à avoir quelque chose aussi, parce que lui aussi, il faut qu'il s'exécute au niveau de son esprit. C'est au niveau de son esprit, ça marche. Quand ça tombe au niveau de son ego, là, faut que tu checkes. Parce qu'un enfant passe toujours de l'ego à l'esprit, à l'ego à l'esprit, à l'ego à l'esprit. Puis c'est ça, être un enfant. Un enfant, c'est ne pas être capable d'être stable dans l'esprit. C'est de passer de l'esprit, l'ego, l'esprit, l'ego. C'est ça, être enfantin. Esprit, l'ego. Tandis que quand t'es conscient, t'es toujours dans l'esprit, t'es jamais dans l'ego. Fait que tu juges la maturité de l'enfant, de son pouvoir de rester dans l'esprit le plus longtemps possible. Fait que c'est ta job, toi, en tant que éducateur, de le garder, de l'amener à rester dans son esprit. C'est ça l'éducation. Pierre a une façon de faire, c'est en forçant le choc vibratoire de l'ego pour que ça transite en esprit. Comment? Ça veut dire garder son âme d'enfant, c'est pas bon. C'est quand le monde dit que c'est bon de garder son côté d'enfant. Il dit que c'est pas bon, que c'est bon. C'est que le point doit être situé en relation avec l'évolution de l'enfant, en relation avec l'évolution de l'ego de l'enfant, pour que, au fur et à mesure qu'il avance, pour qu'il puisse rentrer dans son esprit le plus vite possible. Pour un adulte, par ouais. Exemple, une personne de 35, 40, 50 ans, on dirait que c'est bon de rester un enfant. Ouais, mais ça, c'est des adultes qui sont des enfants. Ouais, mais qui jouent avec esprit égo. Mais s'ils entretiennent le fait qu'il faut que ça soit comme ça, à ce moment-là, c'est qu'ils veulent pas aller dans l'esprit. Ils veulent pas être dans l'esprit, c'est ça. Et j'ai aucune intention, j'ai aucun goût d'être un enfant puis de me sentir comme un enfant. Parce que j'ai bien plus plaisir dans la vie à être dans mon esprit que d'être dans un petit esprit. Je mets dans un grand esprit qu'un petit esprit. Parce que la vie est plus vaste. Puis ça, c'est encore du rationalisme sur des gens. Tu sais, l'esprit poétique de l'humanité, qu'il appelle. Il dit, on est tous des cigares. Parce qu'au niveau de l'éducation, quand les enfants vont à l'école, actuellement, l'éducation est centrée sur ça, maintenir le côté poétique de l'enfant. Quand on dit quand, l'éducation aujourd'hui, dans toutes les écoles du monde, est totalement retardataire. Il n'y a pas une école sans terre où l'éducation permet à l'enfant de passer de l'ego à l'esprit. Ça prendrait des écoles initiatiques, ça, puis il n'y en a pas encore. Même des écoles Steiner sont pas à ce stage-là encore. Parce que pour avoir 20 enfants ou 30 enfants pour les faire passer de l'ego à l'esprit, il faut que tu sois toi-même d'abord conscient. Il faut que tu sois dans ton esprit pour pouvoir leur passer la vibration de ton esprit aux autres. Fait que les écoles sont des moyens temporaires pour permettre à l'ego de développer de plus en plus au niveau de son intellect. Puis de ses capacités naturelles. Mais ce qui est le plus dommageable dans les écoles aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas comment enseigner à l'enfant par la méthode de l'esprit. On enseigne à l'enfant par la méthode de l'ego. L'ego du prof contre l'ego de l'enfant. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est ça, c'est qu'un enfant qui vit comme ça, quand il arrive à la maison, ben... Tu te rends compte quand il n'y a pas deux, trois journées de congé, c'est plus facile avec ton enfant. Ouais, il retourne à l'école, le ton enfant. C'est ça. Puis il revient de l'école, puis il y a des habitudes qu'il a pris à l'école. L'école, ça allait fort. C'est pour ça que moi, je suis content parce qu'à cette heure, qu'ils me l'ont fait sortir de l'école privée, la rentrer dans l'école publique ou à faire rien, là, elle se concentre tout sur son piano, qui fait partie de son esprit. Ouais. Fait que l'école, qui fait partie de son ego, c'est ça qu'on a. Fait qu'elle apprend à lire un livre, elle apprend ses mathématiques, ce qu'elle va avoir de besoin, les instruments, là, le reste. Elle perd pas de temps avec ça, parce qu'elle est toute tellement orientée dans le piano. Mais, c'est parce que je le sais, si je ne le savais pas, elle perdra son temps dans l'ego de l'école. Parce que là, elle rentre dans son esprit à elle, puis dans son esprit, c'est le piano. Fait que là, je la guide là-dedans. Donc ça fonctionne. C'est ça, il suffit de trouver la... Faut savoir! Qu'est-ce qui fait à chaque enfant? C'est ça. C'est ça qu'il dit tout le temps, l'éducation c'est très dur puis c'est très facile. Ça, on rêve, les autres, c'est ça. Moi, je me retarde de dire des choses aux gens. Je me retarde parce que pas dans le sens que je me retarde personnellement, je dis je retarde de dire les choses aux gens parce que les gens peuvent pas comprendre la subtilité de l'esprit dans ce que je dis. Fait qu'automatiquement, ils vont faire des gaffes. Fait que j'attends 2 mois, j'attends 3 mois, j'attends 4 mois. Éventuellement, faut que je le dise. Quand on est dans l'esprit, quand on est la volonté n'est pas pleinement réalisée.

Parce que quand t'es fusionné, t'as plus de libre arbitre. Tandis qu'elle, elle a un libre arbitre. Et elle doit prendre plaisir à son ego. Elle doit prendre plaisir à, elle doit prendre plaisir à la vie de son ego. Mm. Pour apprécier la dimension de son esprit. Tu comprends? Pour le commun des mortels, t'expliquer la valeur qu'elle aime de Dieu, tout le temps que t'es certain. J'expliquerai pas ça aux, gens. Je dirai pas ça au monde extérieur. Parce que les gens ne comprendraient pas ce que je veux dire. Puis si les gens ne comprennent pas ce que je veux dire, ils interprètent mal ce, que je veux dire. Puis s'ils interprètent mal ce que je veux dire, à ce moment-là, ils vont mal agir dans leur vie avec ce que je veux dire. C'est dans ce sens-là que je dis que je retarde ce que je dis. Ils n'iront ils pas vérifier. Ils ne comprendront pas. Là, la femme va arriver à la maison, puis il part mort, puis c'est ça. C'est le même tabac, j'ai du monde. J'ai les épaules larges. Mais là, c'est, si le, gars, il part pour deux minutes, il va réaliser, puis. Si on se fait c'est quoi, elle, il écoute. Bernard a dit dès. Ouais. La situation est bien délicate, surtout dans ces domaines-là, les mariages, puis tout. C'est toujours un jeu délicat de modérer. Tout le temps. Très délicat. Ouais, c'est pas bien parce que ça peut. Ça peut casser. Certain. Quand les gens comprennent ça, à ce moment-là, là, je peux parler. Là, c'est comme si ça m'ouvre la porte. C'est comme si je peux dire n'importe quoi. Là, là je sais que les gens n'interpréteront pas mal ce que je veux dire. J'ai plus de résistance. J'ai souffert tellement, là, je suis plus capable. Puis je suis rendu tellement centré que moi, je peux lâcher tout, puis aller, là, puis vivre une vie bien retirée, bien tranquille, là. Puis j'ai tellement de créativité intérieure que je peux vivre à rien faire. Puis eux autres le savent. Fait que s'ils me font dire des choses, mais qu'ils s'arrangent pour mesurer ce que je dis, puis s'assurer que les gens qui entendent ce que je dis sont des gens qui peuvent entendre ce que je dis. Mm. Qu'ils ne fassent pas sortir les affaires de même, là. C'est pour ça qu'ils m'ont dit qu'il y aurait des changements après, le mois de janvier, tu sais, à ma façon de parler. Comme dans les conférences, là, je suis très choc des conférences. Je parle, là, la dernière conférence, là, je parle bien lentement, là. C'est plus intellectuel, là, on dirait. Tandis qu'avant, je pouvais bardasser, ouais. J'ai déjà crié d'une conférence. Je peux le faire, c'est parce que. C'est ça, c'est la fusion. C'est ça le travail. Ah, oui. Et moi, j'ai déjà fait des séminaires, là, pas dormir deux jours avant. Faire le séminaire, puis attendre, parce que quand je finis un séminaire, il y a une vibration. Moi, je le sais quand un séminaire est fini. Il peut être fini le séminaire peut être fini le samedi après-midi, il peut être fini le samedi soir, vibratoirement, je continue avec le monde à jaser. Mais il peut être fini vibratoirement dimanche matin, dimanche après-midi, ça dépend quand. Mais il faut l'attendre tant que c'est pas fini. Puis il y a un temps qu'il faisait faire de la voyance, il se rencontrait tout le monde tout seul, là, le parler de ça. Peut-être des fois ça finissait à 1h, 2h du matin, dimanche. Je partais, j'avais tellement d'énergie, là, j'avais les yeux de main, souvent j'aurais pu choisir conduire jusqu'à New York. Faites le mandat, c'est un vrai robot. T'arrives chez vous le lundi, là, t'es comme des nuages. Moi, le lundi, c'est ma fournette favorite. Après le séminaire, là, j'ai assez travaillé, là. Là, je fais rien. Là. Lundi, c'est ma fournette convivial. La fournette du Seigneur, moi, c'est le lundi. Là, moi, ça commence. Je suis pas capable de rien faire. Quand je parle comme d'un canal. C'est une superbe capitale de l'esprit parce que je suis trop dans l'esprit. Puis étant trop dans l'esprit, le corps, lui, les corps, ils ne sont pas capables de prendre le choc. De la souffrance. Ouais. Tandis que quand tu es dans l'ego, tu es capable d'en prendre la souffrance. Ça, c'est bien intéressant. Ouais, ça marche tout ça. Parce que moi, un moment donné, je pensais à toi, puis sacrament, ça doit être écœurant ce qui souffre. Ouais. Ouais. Tu sais, je veux dire, ouais. Comment ça sent dans son corps, ouais. Ça n'a pas d'allure. Ouais. Ça n'a plus d'allure. La moindre, ça n'a plus d'allure. Ma femme hier, elle a dit, j'ai jeté les diapositives, parce que j'ai beaucoup de photos. des photos. Puis moi, la photographie, c'est une relaxation. Parce que j'ai l'intention éventuellement d'acheter un petit carousel pour acheter ça sur le mur parce qu'on s'assied, puis on parle, puis on jase, puis on regarde ça. Non, yeah. Non, tu m'as tout acheté. Mais elle dit, j'ai acheté les négatifs. Ça m'a passé un choc dans le corps. Puis après ça, puis elle m'avait pas tout expliqué sur l'affaire. Fait, mais le choc, la souffrance que ça m'a fait passer dans le corps. Ouais. Tu sais, ça paraît ridicule pour un égo. Mais pour moi, ça a été un choc. Là, j'ai refusé à la monnaie. Je m'étais assis 2 minutes, puis pris une cigarette, puis fermé. J'ai dit, tu continues à m'expliquer. Là, m'a expliqué, ça, ça a détruit la vibration. C'est tout des affaires. Hein. C'est rendu, là, à un certain point, tu souffres pour des niaises. Des niaises. C'est plus des grosses affaires. Tu ne seras plus capable de te prendre des grosses affaires. C'est des petites niaiseries que tu souffres. Puis il vient pas être capable. Fait que là, tu t'en sauves, puis tu te protèges, puis tu te protèges, puis tu te protèges, puis tu te protèges. Pour pas se faire. Ça, ça vient avec le niveau de conscience. Ça vient avec le niveau de conscience, tu vois. Parce que tu deviens... trop sensible. Donc, plus t'es conscient, plus tu te protèges. Plus t'es conscient, plus tu te protèges. Tu viens comme anesthésie. C'est anesthésie. Donc, c'est normal. C'est normal. Quand on vient au point de dire une chose dans l'autre, je ne peux plus la supporter, je ne peux plus souffrir. C'est sûr que je la sens pénétrer. Mais par après, je me demandais si je n'empêchais pas l'énergie de passer. Non. Quand tu es capable d'être capable, mais eux autres, ils savent si tu n'es plus capable. Oui. Fait qu'ils vont t'accrocher un autre coin de rue, ils vont t'en donner un autre. Fait que ce qui arrive à ce moment-là, c'est que toi, tu te fâches. C'est que tu te fâches. Puis en te fâchant, tu corriges la situation, puis tu corriges la situation, puis tu corriges. Fait qu'éventuellement, la situation est bien corrigée. Ils peuvent quasiment pas t'accrocher. Ils peuvent t'accrocher si tu sors de chez vous, là, puis tu t'en vas en ville. Ils peuvent t'accrocher. C'est des niaiseries, c'est tellement subtil que vous avez une idée. C'est des niaiseries. Parce que les grosses choses ne te font plus rien. Ouais. C'est trop évident. Mais des petites choses, là. Donc, c'est dangereux si tu as réussi à t'anesthésier pendant ou bien des affaires, tu vois, ça va fonctionner. D'aller de te refaire faire des cheminots corporels pour te remettre en contact avec des. Une espèce de sensation. Tu sais que t'envoies un air compteur, par exemple, pour te faire rebalancer la carcasse, hein, puis qu'il te réveille 56 patentes, que toi t'avais réveillé, puis t'as endormi. Bon, c'est encore au niveau de l'ego. OK, m'a dit quelque chose, ça sent ça. Il dit que quand tu fonctionnes totalement dans ton esprit, tu n'as jamais besoin de médecin. Mais il faut que tu fonctionnes totalement dans ton esprit. Faut pas que tu aies 99,9% dans ton esprit, il faut que tu aies 100% dans ton esprit. Si tu fonctionnes 100% dans ton esprit, ils s'occupent eux autres de ton mental, de ton émotionnel, de ton vital, de ton corps physique. Moi, si je viens prendre un rhume, là, il m'a dit, bon, dans 1h30, faut que ça soit fini, ça fait 1h30 suffisante. Paf. Fait qu'ils vont me dire quoi faire. Mais il faut que tu sois totalement dans ton esprit. Oui, mais il y a quand même des possibilités qui ont, parce que moi, la semaine passée, je me suis réveillée avec un rhume, puis à midi, j'avais mon voyage. Parti, en tout cas, à un moment donné, j'ai pris une aspirine, puis je peux pas prendre un médicament, je réagis d'effet contraire. Puis je me suis rendu compte quelques heures après, quand mon mari m'a dit comment va ta grippe, qu'il n'y avait plus rien. Bon. Je n'étais pas plus consciente. Puis là, ben, quand j'en ai plus conscience, ça avait venu un petit coup, ça avait coupé complètement carré. À ce moment-là, c'est l'énergie qui avait... C'est tout l'énergie. Faut qu'on s'y ait une énergie. Mais l'ego, il suit pas toujours à l'énergie. L'ego, il suit à n'importe quoi. C'est comme moi. Moi, normalement, en tant qu'homme, c'est pas normal de pas pouvoir courir. Un homme court, c'est normal. Moi, je suis pas capable de courir. Mais si j'étais à mon niveau, mais là, je me dirais, bon, mais je vais faire du jogging et me mettre en forme. Là, je me ferais du dommage. C'est ça qu'il faut en arriver à jamais à se comparer. Faut toujours être centrique. Parce que les lois de l'homme ne sont pas les lois de l'esprit. Les lois de l'ego ne sont pas les lois de l'esprit. Les lois de l'ego sont liées à la forme. Les lois de l'esprit sont liées à l'énergie. Dès que tu me penses, quoi en forme, là? Tu Tu te dépasses. Mais en part pas. Mais de contrôler ça, lui. C'est pas que tu le contrôles, c'est que tu vis dans l'esprit. Ah, mais je vais contrôler. Ouais. C'est ça. Mais c'est ça, être dans l'esprit. Mais pour vrai, c'est toi-même qui fais ta propre santé. C'est toi-même qui fais ta propre santé, définitivement. Est-ce que c'est possible que ton corps physique, OK, ait de la difficulté à suivre à un moment donné l'élévation du niveau de vibration, puis que t'en aies des séquelles au niveau physique? Ah, c'est normal. Parce que tu vis de plus en plus dans le mental. Mais ça va s'harmoniser. Hein? Parce que plus tu vis dans le mental, plus tu vis dans le supramental, plus ton corps éthérique, ton corps vital se disloge de ton corps physique. Fait que si ton corps vital, puis ça, ils font lentement, parce que tu sais que quand ton corps éthérique se coupe de ton corps physique, ma fille, puis si t'es pas entraîné à ça, tu fais connaissance. Parce qu'il n'y a plus de sport. Fait que là, ton corps se sépare lentement, lentement, lentement, mais la moindre séparation qui se fait entre ton corps physique et ton corps vital, ça affecte ton corps physique. Si tu mets ton ego là-dedans, mais là, ton ego s'inquiète. Fait que faut que tu vives dans l'esprit. Moi, j'ai déjà mangé des repas qui m'ont rendu malade. Là, je t'en maudis contre les autres. Tu sais ce qui se passe? Ils disent, on a besoin de cette énergie-là. Fait que là, tu vis dans l'esprit, fait que tu t'inquiètes plus. Fait qu'ils peuvent te rendre malade pour changer les vibrations de ton corps électrique, tu sais, ça s'arrête pas là. Quand on dit que t'es trop, ouais, c'est un peu souvent dire ça, t'es bien trop dans ta tête, c'est passé dans ton corps, ça te veut dire que c'est une évolution environnementale. C'est normal. Ça fait partie de ton tempérament de vivre dans ta tête. Plus tu vas aller, plus tu vas vivre dans ta tête. Donc c'est normal. Pour toi, c'est normal, oui. Si tu commences à t'occuper de ce que les autres disent, à ce moment-là... Je sais bien, tu ne m'occupe pas de ce qu'ils me disent. Ah, c'est ça. Ça les dérange pareil. Ah, c'est bien. La question est, c'est qu'ils montrent, ils disent, bon, si tu n'as pas ton corps en harmonie avec ta tête, ton corps doit suivre sa tête. Moi, je me dis, si ma tête a fait le bain, mon corps va suivre. Automatiquement. Pour la majeure partie du monde, c'est pas grave. Non, ils font du jogging, eux autres. Pour que la tête fait le bain. Non, c'est le contraire, il coupe le mental. D'ailleurs, je t'ai déjà dit, si vous êtes très fort physiquement, les hommes, vous allez perdre la force avec le temps. Si vous allez dans l'astral, éventuellement, vous ne pourrez pas aller dans l'astral. Je l'ai annoncé, ça depuis longtemps. Ah, tu t'es fait. Moi, je suis comme un vieux, je me promène bien lentement, je cours pas. Je sors de ma maison, là, je prends ma marche, là. Je sors de ma maison, je prends ma marche, je prends une fois par semaine. Je sors de ma maison, je m'envoie l'autre bord, puis je reviens. Il y a un ami qui est venu à la maison, j'ai dit, viens, on va aller prendre une petite marche. Puis c'est grand chez nous, il pensait qu'on allait aller au bout du monde. On est sorti de la maison, on est venu, puis j'ai dit, on retourne. T'es content, à la maison, on fait poser un fil. Il y a une affaire de 220 volts. Puis il y a un ami qui est ingénieur, puis il dit, bon, mais ça, faut que le ground, faut que tu le mettes là. Puis il dit ça à un de mes amis qui travaillait à ta maison. Quand on est venu pour voir ça, moi, j'ai dit, avant de faire n'importe quelle connexion, j'ai dit, tu m'appelleras avant de faire la connexion. Alors, je dis, oh, il vient pour faire la connexion. Puis il s'en la met le fil à mauvaise place. Eux autres, ils disent, il n'est pas là, le ground, il est là. Mets le fil là, celui-là, celui-là, celui-là. L'autre, l'ingénieur a fait une erreur. Nous autres, on aurait payé l'erreur. C'est vrai? Fait qu'éventuellement, tu deviens tellement en harmonie vibratoire avec eux autres que tu n'as pas besoin de savoir, tu sais. Tu n'as pas besoin d'aller investir pour prendre des cours. Tu sais que c'est là qu'ils voient le fil. C'est toujours de même. Mais avant d'en arriver à ça, c'est tout ça qu'on souffre. La souffrance, la pénétration, tout ça. Moi, ce que je vous dis, c'est que vous empêchez de souffrir pour rien. Sans ça, si vous aviez été obligé de passer par eux autres seuls, vous auriez été obligé automatiquement de perdre votre libre arbitre. Dans ce cas-là, vous pouvez garder votre libre arbitre, en connaître les illusions, mais le garder, puis pas être obligé d'être fusionné dans un coup pour pouvoir arriver au même état de l'air. C'est ça l'histoire de... Pour avoir, Moi, je te dis... Comment tu t'appelles? Marie. Il n'y a rien au monde que je veux de plus. Tant que moi, je suis le plan matériel, il n'y a rien que je veux de plus que la paix. Parce que quand t'es conscient, tu ne cherches plus rien. Tu n'as plus besoin de rien. Tu as tout. Fait que tu viens de la paix. Viens de la paix. Moi, c'est de la paix que je veux. Viens de la paix. Puis la paix, pour moi, c'est la paix. La grande paix. Puis la paix, ça veut dire le moins contact possible avec l'homme inconscient. T'as plus le choix, éventuellement. Non, t'as plus le choix. Tu peux suivre. Bon. T'es mal. Ça va? T'as des tensions? Tu deviens mal. Ouais. T'as pas de problème avec les chiffres? Y'a pas de communication. Comment est-ce que tu l'as expliqué? Comment pas? Des artistes vibratoires? Demande quelqu'un qui condamnait. Oui. Tu sais, on s'en lève, c'est du tout. Ouais, ok. C'est du tuning. C'est de la syntonisation. Ce n'est plus de la spiritualité. C'est du tuning, puis du tuning, puis du tuning, puis du tuning, puis du tuning, puis tu développes la résistance, puis tu développes la résistance supplémentaire, puis supplémentaire. Éventuellement, tu deviens comme un bloc d'acier. Fait qu'il y a une guerre atomique entre les Russes et les Américains, il n'y a rien là. Parce qu'ils vont. Ils vont créer les conditions où ton corps matériel sera protégé. Il n'y a plus de limite à ce niveau-là. Rendu à ce mot. Quand on est rendu à ce stage-là de l'évolution de l'homme, il n'y a plus de limite. Fait que c'est fou qu'il y en a d'autres qui descendent d'un plan vers ton plan pour te rentrer dans leur machine et ta mère. Fait que t'es prêt! Comment tu te comprends que t'as regardé la porte? Mais ça va mieux pareil. C'est ça. Ça va mieux pareil. C'est ça. Ça donne juste ton temps. C'est ça. Exactement. Qu'est-ce qui va arriver va arriver. C'est ça. C'est ça. Exactement. Le reste, c'est d'overtime. Fait qu'en attendant, si tu commences à t'occuper de ces affaires-là, tu t'occuperas plus de jouer au golf demain matin. Tu t'occuperas plus de travailler demain matin. Tu t'occuperas plus de t'avoir du plaisir avec tes enfants. Tu t'occuperas plus de vivre. Tu vivras plus. Ça t'inquiète. Plus ça va, plus il y a des gens spirituels qui s'inquiètent, puis qui s'inquiètent, puis qui s'inquiètent. Là, ça devient une vraie névrose, cette affaire-là. Le meilleur après, c'est de vivre heure après heure. Moi, je me suis aperçu d'une chose, c'est plus que je me suis, plus ma conscience s'est développée, plus ça va mal dans le monde, moins ça va mal pour moi. Oui, c'est vrai. Tout va? Oui, c'est vrai. Je suis pas arrivé au point encore d'avoir la totale baisse. Ça va venir en 84 pour moi. Mais tu sais, aujourd'hui, c'est encore pas mal. Pas mal. C'est pas ce que je veux encore, mais c'est pas mal. Mais plus je me conscientise, plus ça va mal dans le monde, moins ça. Il y a une guerre mondiale, moi, entre les Russes et les Américains. Laisse-moi dire que je sais ce qui se passe dans le monde. Ça, t'es pas un point de vue. C'est comme ça qu'il dit faut qu'on soit. C'est ça, vise dans notre esprit, pas vivre dans notre égo. Là, on est bien vrai. Ouais. Mais malheureusement, on ne peut pas savoir ça. Il ouais. Faut qu'on en arrive à le savoir au fur et à mesure qu'on se tombe, puis qu'on se tombe, puis qu'on se tombe, puis qu'on se tombe. C'est une vibration, c'est une énergie. Tu le sais, c'est final. C'est ça qui passe leur temps constamment à nous expliquer, par nous expliquer, par détruire des formes, par détruire des formes, par détruire des formes, pour que notre ego ait le moins de support possible. Parce que le support de l'ego, c'est l'illusion totale. Alors, quand notre ego n'a plus de support, à ce moment-là, on n'a plus besoin de rien parce que tu n'as plus de support. Si tu t'accroches à rien, t'es bien. Mais si tu t'accroches à quelque chose, ça part, c'est pas vrai. Pourquoi t'en graffes à rien? Moi, s'il y avait une guerre, puis ils disent, prends l'avion, il va en Nouvelle-Zélande. Je vais avoir Nouvelle-Zélande, c'est fier. Si t'es là chez vous, reste chez vous. Si t'es là chez vous, on est là, on est là. Attends. Fait que là, au moins, en attendant, dans cette période-là, t'arrives à vivre une vie qui est réellement plaisante. Une vie qui est réelle, plaisante. Puis là, t'as des amis. De plus en plus, t'as des amis, de plus en plus, t'as des amis, de plus en plus, t'as des amis. Ça forme une société anonyme. Mm-hmm. Que t'allais en France, que t'allais aux États-Unis. Moi, si je vais à New York, je vais rencontrer quelqu'un dans un restaurant, ça c'est garanti. Si je vais en France, je vais rencontrer quelqu'un. Je vais en Floride, je vais rencontrer quelqu'un. Je rencontre toujours quelqu'un. Tout le temps, je rencontre quelqu'un. Parce que ça te fait des amis avec qui tu peux parler. Il y a un de mes amis là, qui vient d'arriver à la République dominicaine, l'a rencontré le président de la République dominicaine. Il est déjà dedans. C'est vrai. Tu rencontres du monde à tous les niveaux de ceci. Et lui, il flotte dans sa sensibilité psychique. Encore. C'est sa souffrance. Elle, avec ce qu'elle sait, elle peut l'aider à comprendre les affaires. Ça va loin. Moi, je me rappelle, au début, il me disait, un jour, tu rencontreras Andrea Poharich. Je disais, comment tu vas rencontrer Andrea Poharich? Je suis un physicien. Il me disait, inquiète-toi pas, tu vas rencontrer. Un jour, je m'en vais dans une librairie, puis je vois une petite femme, puis moi, je vais jamais dans une librairie. Je vois une petite femme, puis j'ai dit, madame, vous devriez lire ce livre-là, c'est très bon. Regarde, ça peut me demander, madame. Pourquoi est-ce que vous me dites ça?